Yeah. Los Tiki, mon oiseau rare. Elle était belle, elle avait fait pleurer mes yeux. La première fois que je l'avais vue, bah ouais, je suis tombé amoureux. Ce genre d'histoire qui font rougir même les messieurs. Ce genre d'histoire qui n'attire pas les regards vicieux. C'est fou ce que la vie peut être bien faite parfois. Ça, c'est ce qu'on se dit dans ces moments-là. Je voyais que le côté positif des choses. On s'aime tous les deux, on vit une histoire à l'eau de rose. Mais souvent ça dure pas et au bout de quelques mois, on se lasse, on se dispute, on se dit je t'aime un peu moins. On en a marre des prises de tête, des caprices, ces crises de jalousie. Elle me dit qu'elle me fait confiance, mais elle m'aime puis même la nuit. Alors on s'éloigne, peu à peu on prend ses distances. On pense à aller voir ailleurs ou à tirer sa révérence. On sort pour oublier sans penser qu'il y a des conséquences. Mais l'oiseau rare s'envole, j'ai beau ouvrir la cage pour qu'il revienne. Malgré ça il poursuit son vol, sans un regard il ne fait que battre des ailes. Il ne fait que battre des ailes. Hey, et tu ne sais plus quoi faire. Alors tu attends et tu espères. Mais rien ne va, mais rien ne va. Et tu dis être sincère. Avoir changé et voir plus clair. Elle n'y croit pas, elle n'y croit pas. Je crois que j'ai pas assez réfléchi. Ou peut-être bien trop. Je lui ai même pas demandé son avis, je lui ai dit ciao. Et là je commence à sentir mon cœur qui appelle au secours. Hélas le sien est bien loin, j'ai l'impression qu'il est devenu sourd. Tous ces moments passés bébé c'est rien pour toi. Moi je suis love de toi et toi, t'es plus love de moi. C'est vrai que chaque fois que je te disais je t'aime, je le disais tout bas. Et les conneries que j'ai fait je sais ça s'efface pas. J'ai réalisé trop tard que je tenais vraiment à elle. Trop con, obligé de quitter une femme pour se rendre compte qu'elle était belle. J'avais plus que mon crayon et deux trois feuilles blanches. J'avais plus toute ma raison, je devenais presque étanche. Rien à faire dans ces moments-là, à part s'excuser mille fois, mais rien ne sert car tu sais, la fierté ça pardonne pas, pardonne pas, pardonne pas. Je lui ai tout donné, plus que tout ce que j'avais, j'ai voulu l'acheter, elle m'a dit que je rêvais, j'ai tellement pleuré, je sentais même plus mes larmes couler sur mes joues, je savais plus où j'en étais, j'ai hésité entre une lame ou me mettre en joue, maintenant je sais que l'amour n'est pas éternel, car je l'ai jamais revu, j'ai eu beau ouvrir la cage pour qu'il revienne. Mon oiseau rare n'est jamais revenu, non, jamais revenu.